إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله اتقوا الله في السر والعلن وراقبوه فإنه معكم بعلمه واطلاعه في كل مكان وأوان وتمسكوا بأركان الدين وشعب الإيمان فلا نجاة في المحياء والممات إلا بالإيمان والتقوى والاستمساك من الدين بالعروة الوثقى وحافظوا على الصلاة فإنها عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين وحافظ عليها من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة إقامتها إيمان وإضاعتها كفر وطغيان وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فالصلاة عباد الله حافظوا عليها في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه واحرصوا رعاكم الله في هذا اليوم وفي كل يوم على السكينة والوقار وغض البصر وحفظ الفرج وصيانة اللسان والبعد عن المعاملات الخبيثة والمكاسب المحرمة وتعرضوا رحمكم الله لكل سبب يعينكم على الوصول إلى طاعة الله ونيل مرضاته واعلموا أن الجنة محفوفة بالمكاره وأن النار محفوفة بالشهوات فمتى صبرتم على ما تكرهون نلتم ما تحبون ومتى نهيتم النفوس عن هواها وجاهدتموها على البعد عن معصية مولاها فقد سعيتم في حصول نعيمها وسرورها ومناها وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة أصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله اتقوا الله في أولادكم وأدبوهم بآداب الإسلام وعلموهم القرآن وجنبوهم مواطن الفساد وقرناء السوء وخذوهم بالحزم والحكمة واجتهدوا في إبعادهم عن كل أمر يصل بهم إلى الشر أو يفضي بهم إلى الفتنة لا سيما أن كثيرا من الشباب الآن يتعرضون عبر الفضائيات ووسائل الاتصال الحديثة لأنواع عديدة من الغزو الفكري والدس الماكر الذين لا يدركون كوامنه ولا يعرفون خوافيه ومع أنه يفضي بهم إلى التحلل من الدين والتفلت من المبادئ والقيم، ويتخرج منه الشاب تائها حائرا متمردا على أمته ومجتمعه، وتتحرك فيه بواعث الإجرام، ويتزايد فيه دواعي الغي والآثام. وإن لم يتدارك الشاب نفسه أضر بها وبالآخرين، وإلى الله وحده المفزع إلى في أن يصلح شباب المسلمين، وأن يجنبهم الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، اتقوا الله في نسائكم وبناتكم، ونفذوا فيهن وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، واحفظوهن بالستر والصيانة، وأدبوهن بالآداب الإسلامية الرفيعة. فإن المرأة متى تمسكت بتعاليم الإسلام سعدت في الدنيا والآخرة، وساعدت في بناء مجتمع قوي متماسك نزيه مليء بالطهر والعفاف. وإن تخلت عن هذه التعاليم تردت في مواهي الرذيلة، وسقطت في الفساد، وفقدت كرامتها ومكانتها ومنزلتها الرفيعة. وإن من أعظم أصول البلاء وأشد منابع الفساد تبرج النساء، وخروجهن متزينات متجملات بين الرجال، ومخالطتهن لهم في المنتديات العامة والأسواق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. عباد الله، المرأة المسلمة في هذه الأزمان تتعرض لهجمات شرسة ومؤامرات آثمة، تستهدف خلخلة دينها وزعزعة إيمانها والإحاطة بعفتها وهدك شرفها وإلحاقها بركب العاهرات والفاجرات من خلال قنوات فضائية مدمرة، ومجلات خليعة هابطة، وملابس كاسية عارية، ومن خلال العبث بعباءة المرأة ولباسها وحجابها الإسلامي التي هي ستر المرأة وأساس حشمتها. ألا فلتتق الله كل فتاة مسلمة، ولتكن على ذلك أو في ذلك على حذر شديد، ولتتذكر أنها ستقف يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا، ويسألها عن كل ما قدمت في هذه الحياة في يوم يثاب فيه أهل الطاعة ويهان فيه أهل الإضاعة، ولا ينفع نفسا يومئذ ضراعة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، تذكروا جميعا قدومكم على الله ووقوفكم يوم القيامة بين يديه، وتذكروا القبور وأهوالها وأحوال أهلها، فلو رأيتم تحت التراب أهوالهم لرأيتم أمورا هائلة. ونحن عباد الله جميعا إلى ما صاروا إليه صائرون، وعلى ما قدمنا من الأعمال قادمون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، ورزقنا وإياكم حسن الختام، وأعاد علينا وعليكم من بركات هذا العيد، وأمننا وإياكم من فزع يوم الوعيد، وحشرنا جميعا في زمرة أهل الفضل والخير والمزيد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Serviteur d'Allah, craignez Allah en secret et dans ce qui est divulgué. Et craignez-le et sachez qu'il sait tout ce que vous faites. et tout ce qui est apparent et tout ce qui est caché, peu importe le lieu et peu importe le moment, et accrochez-vous aux piliers de la religion et aux branches de la foi, parce qu'il n'y a pas de salut excepté dans la foi et dans la piété, et dans le fait de s'accrocher à la religion par l'anse la plus solide. Préservez les salawats et gardez vos prières de façon assidue. Et faites vos prières, car c'est le deuxième pilier de l'islam après le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammadun Rasulullah. Et celui qui garde ses salawats et qui les fait de manière assidue, elles seront pour lui une lumière et une preuve et un salut au jour de la résurrection. Tandis que celui qui ne fait pas ses prières et qui n'est pas assidu dans sa salawat, dans ses salawat, elles ne seront pas pour lui une lumière, ni une preuve, ni un salut au jour de la résurrection. Établir la salat fait partie de la foi, et de délaisser la salat, c'est quelque chose qui rentre dans la mécréance et dans la transgression contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et la première chose sur laquelle le serviteur sera jugé et questionné au jour de la résurrection, c'est sa salat. C'est la salat. Donc, préservez vos salawat et gardez de façon assidue vos prières. C'est votre lien et votre connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'avec vos frères. Faites des efforts pour faire vos prières ensemble, en groupe, à la mosquée, dans les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites attention également, en ce jour et dans tous les autres jours de l'année, de garder votre chasteté, de baisser le regard et de garder votre langue de tout ce qui est haram. Et écartez-vous également de toute transaction et de tout gain qui pourrait être interdit ou illicite. Et également, cherchez tous les moyens par lesquels vous pouvez atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le paradis est entouré de choses qui sont parfois déplaisantes pour l'âme, tandis que l'enfer est entouré de désirs et de tentations et de passions. Et lorsque vous faites preuve de patience et d'endurance devant ce qui vous déplaît et des choses difficiles qui ont rapport avec la foi, eh bien vous allez obtenir en résultat et à la fin ce que vous aimez. Et vos âmes seront satisfaites au jour de la résurrection. Tandis que si c'est le contraire, eh bien vous serez malheureux si vous courez derrière vos désirs et vos passions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous me garantissez 6 choses, eh bien je vous garantirai en retour le paradis. Soyez véridique dans votre parole, gardez vos promesses lorsque vous faites une promesse, et rendez le dépôt lorsqu'on vous a fait confiance avec quelque chose, et préservez vos parties intimes de tout ce qui est haram, et baissez vos yeux de regarder ce qui n'est pas licite pour vous, et préservez vos mains de toucher ou de faire avec vos mains ce qui est interdit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Également, craignez Allah dans vos enfants. Éduquez-les de la manière islamique. Enseignez à vos enfants le Coran. Écartez-vous par rapport à vos enfants de tout ce qui est mauvais et des mauvais compagnons, des mauvais amis. Si vos enfants ont des amis qui sont des mauvaises influences, écartez-les de ces mauvaises influences et de tout ce qui peut les amener vers le mal, en particulier à notre époque, alors qu'on sait qu'il y a toutes sortes de moyens de communication modernes qui parfois renferment toutes sortes de sources de déviation et de tentation, et parfois les jeunes ne voient pas jusqu'au fond dans ces choses-là, et ils risquent en rentrant dans ce genre de choses de tomber dans toutes sortes de choses qui sont mauvaises et des sources de déviation et d'égarement pour leur foi, et qui risquent par la suite de les faire s'éloigner de la croyance, de s'éloigner de leur religion, et qu'ils deviendront par la suite à cause de cela des problèmes pour leur umma, des problèmes pour leur société et des sources de déviation et de délinquance. Nasallallahu al-afiyah. Et donc il faut faire des efforts pour bien éduquer les enfants sur la religion d'Allah et sur l'islam, et les préserver de ce qui est néfaste et dangereux. Également, serviteurs d'Allah, craignez Allah vis-à-vis de vos femmes et de vos filles, et faites en sorte de les éduquer selon les règles de l'islam et les valeurs islamiques et la timidité, la pudeur et la chasteté pour qu'elle reste accrochée à cette religion et à cet islam. Et lorsque la femme s'accroche aux principes de la religion de l'islam, eh bien, elle est par la suite un aide et un support dans la construction d'une société musulmane propre et pure et chaste, tandis que si elle s'éloigne des enseignements de la religion, eh bien, c'est quelque chose qui amène un grand tort et un grand mal à la Ummah et à la société musulmane, car la mère, hein, la femme est la mère et c'est l'éducatrice. C'est l'éducatrice de la Ummah, c'est l'éducatrice des nations futures et de la progéniture. Préservez également vos femmes des causes et des sources de fitna et de tentation et de désordre, comme le fait d'exhiber leurs atours et leurs parures, et de montrer leurs parures devant les étrangers lorsqu'elles sortent à l'extérieur et qu'elles ne se voilent pas de la manière islamique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde les hommes de la Ummah en leur disant qu'il n'a pas laissé une tentation plus grande pour les hommes de cette Ummah que les femmes. Et il a dit également que la femme, lorsqu'elle sort, le shaitan essaie de l'égarer et de lui faire croire que c'est la femme la plus belle au monde et qu'elle doit exhiber ses atours pour la faire tomber dans le péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, craignez la vie d'ici-bas, faites attention à cette vie d'ici-bas et faites attention également aux femmes, car la première tentation des fils d'Israël, a été chez les femmes, à cause des femmes. Et donc, il faut savoir qu'actuellement dans le monde, il y a des complots et il y a des programmes et des projets qui sont faits et qui ciblent particulièrement la femme musulmane pour la faire dévier de sa foi, la faire dévier de sa religion, la faire quitter les règles de chasteté et de pudeur enseignées par la religion de l'islam, et qui essaie de tout faire pour lui retirer son voile et de la faire tomber dans l'exhibition et même parfois de se dévêtir. Et donc, tout ça, bien entendu, c'est pour essayer d'éloigner la femme de la droiture de l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a donc une responsabilité en tant que musulmans et en tant qu'hommes de veiller donc à ce que nos épouses et nos filles respectent les principes et les enseignements de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous questionnera au jour de la résurrection sur la façon dont on a fait en sorte de faire respecter ces principes-là. Souvenez-vous également que vous allez être présenté devant Allah et qu'un jour vous allez être debout devant lui et qu'il va vous juger. Et souvenez-vous également que vous serez un jour dans la tombe et que Allah subhanahu wa ta'ala va prendre votre âme et que vous serez enterré dans la terre et cette vie d'ici-bas est une vie éphémère. Donc souvenez-vous de ça et restez conscient de ça pour que cela vous aide à rester sur la droiture et sur la piété. Lorsqu'on reste conscient de ces réalités-là, c'est plus facile pour nous de s'accrocher à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de rester sincère et de rester véridique. Et également, en terminant, je dirais qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de notre part les efforts, le peu d'efforts qu'on a essayé de faire pendant ce mois béni, et que même si on a eu des manquements et des faiblesses par rapport à l'adoration d'Allah, et qu'on n'a pas été capable et qu'on ne sera jamais capable d'adorer Allah comme il mérite de l'être, mais on a fait le peu qu'on pouvait et on espère que Allah subhanahu wa ta'ala acceptera de notre part ce qu'on a fait comme jeûne et comme prière, et qu'il nous donne la bonne fin, et qu'on finisse notre vie sur la piété et sur la foi, et qu'il fasse en sorte que ce genre de bénédiction qu'on a connu pendant ce mois de Ramadan soit des choses qui puissent revenir encore les années dans l'avenir, et qu'on puisse en profiter encore plus dans les années qui nous restent à vivre sur cette terre. Et donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter cela de notre part et de pardonner nos péchés et donc de profiter également de ce jour de fête, de ce jour de réjouissance qui est le jour de Eid avec nos enfants, avec nos femmes, avec nos familles, avec nos amis et de se réjouir de tout ça puisque c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on termine ce mois de Ramadan qui est un mois béni avec la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et la demande du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نعم تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم. عليكم مبارك. آمين آمين. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك. Yeah,